Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Hedy Lamarr, la plus belle femme du monde, avait aussi un cerveau. Hedy Lamarr, l'actrice qui fit scandale en 1933 dans le film Extase, où elle apparaissait nue et simulait un orgasme. Une audace érotique qui lui collera longtemps à la peau, quand arrivée à Hollywood, elle se bagarrera pour décrocher des rôles intéressants. Femme de tête, femme facile, c'est l'un ou l'autre. Il faut dire qu'Hedy Lamarr a reçu un don inestimable et parfois encombrant. Elle est belle, d'une beauté stupéfiante qui la conduit quasi naturellement vers le cinéma. Mais sa vraie passion depuis l'enfance, c'est l'invention. Le soir, après les tournages, la star s'enferme chez elle pour concevoir des objets insolites. Pastilles effervescentes, distributeurs de moutarde, colliers de chiens fluorescents. Mais c'est en 1940, avec la menace nazie, que l'ex-autrichienne qui avait fui Hitler va donner toute la mesure de son génie d'inventrice. Hedy Lamarr met au point un système révolutionnaire pour guider les torpilles vers les sous-marins ennemis. Si révolutionnaire, hélas, qu'il faudra attendre les années 80 pour qu'il soit reconnu. Et si, en ce moment même, vous vous connectez à la Wi-Fi, ayez une petite pensée pour son inventrice, la belle Hedy Lamarr. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bertrand Tavernier, bonsoir. Bonsoir. Et merci au grand réalisateur de cinéma de venir parler dans cette petite émission de fiction radiophonique et historique. Une petite émission. Une modeste émission, alors. L'histoire tient aussi une grande place dans votre cinéma, que la fête commence, Capitaine Conan, plus récemment La Princesse de Montpensier. L'histoire est une mine d'inspiration. Oui. L'histoire est une mine d'inspiration, de sujets qui sont souvent très, très, très excitants. Et j'ai été très content et surpris, d'ailleurs, que France Inter consacre une fiction historique à Hedy Lamarr, qui est un personnage, une actrice maintenant, comme beaucoup de ses vedettes contemporaines, un peu oubliée. Pourtant, son destin est vraiment étonnant. Ah oui, elle a étonnant, une vie romanesque, depuis le début jusqu'à la fin. Oui, presque supérieure à sa filmographie, même si cette filmographie comporte quelques films vraiment, vraiment, vraiment bien. Et en plus, l'histoire individuelle chez Hedy Lamarr vraiment croise la grande histoire, on va le voir. Pourriez-vous, Bertrand Tavernier, nous rappeler quelle a été sa jeunesse et par quelle péripétie souvent rocambolesque elle est arrivée à Hollywood ? Bien, Hedy Lamarr, qui ne s'appelait pas Lamarr, qui s'appelait... Hedwig Kiessler. Venait d'une famille très aisée. Son père était banquier à Vienne. Elle a été propulsée, sans doute par sa beauté, dans le cinéma, dans le monde du cinéma. Je ne crois pas que ce n'était pas une vocation. À 16 ans, elle a commencé très jeune à faire des films. Oui, tout le monde disait qu'elle était très belle. Elle a fait des films. Contrairement à ce qui est parfois écrit, sa carrière cinématographique ne commence pas avec Extase. Elle tourne au moins deux films avant, dont un avec Peter Lorre. Le grand Peter Lorre. Et ses films ont du succès. Elle fait des essais au théâtre, mais elle a été remarquée dans ses films par le metteur en scène Gustave Machatti, qui va l'engager pour Extase. Et c'est vrai que Extase marque une date dans l'histoire du cinéma. Non seulement parce que, en effet, ce film comprend une séquence relativement pudique, maintenant quand on la voit, où elle court nue vers un lac où elle se baigne et elle en sort, toujours aussi déshabillée, parce que je crois qu'on lui a piqué un peu ses vêtements. Mais plus important, c'est le premier film de l'histoire du cinéma qui a un plan qui est vraiment très explicite, montrant une femme qui a un orgasme. Oui, elle est en train de faire l'amour, mais on voit que son visage et ses mains, c'est très étonnant. Et alors, il faut ajouter deux choses, c'est que ce film n'est pas un film pornographique, c'est un film plein de recherches artistiques. Le metteur en scène, Gustave Machatti, a presque autant souffert de ce film, on l'a uniquement associé avec ce film, là, le scandale a occulté les qualités cinématographiques du film, qui sont pourtant évidentes, n'est que de voir tous les plans d'objets, de lampes, ces perles qui tombent, qui maintenant paraissent étonnamment modernes. Alors plus tard, Eddie Lamar, mais doit-on la croire, dira qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée nue, mais ce film l'a immédiatement, a fait immédiatement d'elle à la fois une vedette et un objet de scandale. Ouais, ça va la poursuivre longtemps. Elle avait épousé un marchand d'armes. Fritz Mandl, un marchand d'armes pro-nazi. Non, correction. Il a été un opposant à Hitler. Il était pro-Mussolini. Mais plus tard, il va être un opposant à Hitler. Oui, c'est un rapprochement quelquefois un peu trop facile, mais c'était un marchand d'armes. Il adorait Mussolini, il vendait des armes avec eux. Il a accueilli Hitler au début, tout à fait, favorablement. Mais plus tard, il a pris ses distances. Oui, parce qu'il était juif aussi, sans doute. Oui. Et donc, elle, vivant avec Fritz Mandl, va aussi s'intéresser à ses fabrications d'armes, à ses brevets. Oui, parce que depuis qu'elle est petite, elle s'intéresse aux inventions. Oui, absolument. Et elle va, après 3 ans, elle va réussir à divorcer, à s'enfuir, et elle va gagner l'Amérique. Au cours d'un voyage, on raconte qu'elle a été contactée par Louis B. Meyer, mais qui... Le producteur américain de la plus MGM. Plus que le producteur, le boss qui a succédé à Irving Thalberg et qui donc est à la tête de la MGM. Homme extraordinairement conservateur, puissant, qui a des goûts très, très, très précis, qui a aussi des obsessions sexuelles très fortes. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est presque un modèle pour Harvey Weinstein, Louis B. Meyer. On l'oublie un petit peu. Ça, dans le présent, que si on regarde l'histoire, il avait des prédécesseurs, dans la muflerie notamment, et dans un traitement machiste des femmes. Et la légende veut qu'elle ait renégocié le contrat qu'il lui proposait pendant le voyage en bateau. Et qu'elle ait fait monter de 100 à 750 dollars par semaine. Elle va être donc engagée à la MGM. Elle va être engagée, elle va faire son premier film avec Charles Boyer, Casbah, le remake de Pépé le Moko. Oui. Bertrand Tavernier, je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Eddie Lamar, la plus belle femme du monde avait aussi un cerveau, un texte de Corinne Klomp, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Pascal Deux. Coiffe. Miroir, mon beau miroir. Oh, j'ai le trac. Le trac de ma vie. Le trac du siècle. Jamais je ne l'ai ressenti à ce point. Ou peut-être quand j'avais 17 ans avant de monter sur scène pour la première fois à Berlin. Même lorsque j'attends que le grand King Vidor crie moteur, j'ai peur, oui, mais pas comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas Eddie Lamar, la star d'Hollywood. Je suis Eddie Kistler, l'inventrice venue d'Autriche. Mon Dieu, quelle mine affreuse! Si je restais ici, cloîtrée dans ma chambre? Si je laissais George présenter notre invention au général? Après tout, nous sommes partenaires. Non. Allez, du cran. C'est mon idée. Je dois songer à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui seront sauvés grâce à moi. Mon jour de gloire est arrivé. Je vais aider l'Amérique, ma nouvelle patrie. Je vais combattre à ma manière l'ignoble Adolf Hitler. Eddie, vous êtes prête ? Attendez-moi dans la voiture, George. Tout ce que j'ai à faire, c'est être convaincante. Action. Général, nous venons offrir nos services à la marine américaine. Nous avons mis au point une arme redoutable, n'est-ce pas, George ? Exact. vous allez couler tous les sous-marins ennemis qui oseront s'aventurer dans vos mers. Incroyable! Il s'agit d'un système de communication capable de guider des torpilles à distance grâce à la radio. Le tout dans le plus grand secret. Il sera impossible de repérer les attaques. Incroyable! C'est la vérité! Eddie Lamarre est dans mon bureau, face à moi! Général, vous me flattez, mais ce n'est pas la question. Eddie Lamarre en personne! Cher monsieur Anteil, je m'excuse, vous êtes également un artiste de renom, un musicien très... original. Mais comprenez-moi, Eddie Lamarre. Oh, je comprends parfaitement. Moi-même, la première fois que j'ai rencontré Mademoiselle Lamarre, j'avoue George, que... sortez nos dessins et nos schémas, voulez-vous? Le général doit se rendre compte de la portée de nos travaux. Tout de suite, cher ami. J'ai vu tous vos films, notamment le fameux Extase. Diablement coquin. Mais je préfère Camarade X de King... Général, nous ne sommes pas au cinéma. Nous sommes au bord de la guerre. Les Japonais nous défient chaque jour davantage. Oui, bien sûr. Pardon. Revenons à votre brevet. Nous le laissons libre de droit pour votre armée. Notre cadeau à l'Amérique. Ce que nous voulons, George et moi, plus que tout au monde, c'est la défaite d'Hitler et de... ses amis. Maintenant, entrons dans les détails de notre invention. Et je suis tout oui, cher Eddie. Eddie Lamarre. Oh, incroyable! Novembre 1941. Ce haut gradé de la marine américaine a de quoi être impressionné. Il n'a pas tous les jours l'occasion de rencontrer une star. Eddie Lamarre, la première femme à s'être montrée nue à l'écran en 1933 pour simuler l'extase sexuelle. Grande, élancée, avec ses yeux immenses, sa bouche gourmande et son épaisse chevelure brune, l'actrice de 27 ans mérite son titre de plus belle femme du monde. Et sa place au sein du vivier des actrices de la Metro Goldwyn-Mayer. À ses côtés, George Anteil, 41 ans, pianiste et compositeur américain, célèbre pour ses créations d'avant-garde et surnommé le mauvais garçon de la musique. Eddie et George, ce n'est pas le nouveau couple de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, mais un duo improbable. 2 ans après l'invasion de la Pologne par Hitler, quelques semaines avant l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, sauront-ils persuader l'armée des États-Unis d'exploiter leur invention? Leur rencontre a été orchestrée par Louis B. Mayer, le patron de la MGM, au cours de l'été 1940. À l'époque, la carrière d'Eddie Lamarre a déjà pris de l'ampleur, tout comme les exigences à son égard de son producteur, de plus en plus délirantes. Mon cher Louis, votre demande est très claire. Ma réponse l'est aussi, elle tient en un seul mot. Non! Eddie, par pitié, faites votre cinéma sur les plateaux, pas dans mon bureau. Asseyez-vous. Réfléchissez au lieu de vous emballer. C'est tout réfléchi. Depuis 3 ans, vous me tenez sous cloche. Non, sous contrat. Les mots sont importants. Bref, je fais tout ce que vous voulez. J'ai changé de nom, j'ai... Eddie Lamarre. C'est l'amour, le rêve. Cela sonne mieux que Hedwig Kissler. Oui. Mais j'ignorais que Lamarre était le nom d'une autre de vos créatures disparues tragiquement. Cette chère Barbara, une actrice magnifique. Elle me manque. Vous offrir son nom, c'était lui rendre hommage. Ou me porter malheur. Elle est morte à 29 ans. Ensuite, j'ai appris l'anglais, le piano, j'ai perdu du poids, près de 7 kilos. Et aujourd'hui, vous me demandez de grossir de la poitrine? Hors de question. Je n'y peux rien. En ce moment, Hollywood aime les poitrines... grotesques. Gonflé. Vous feriez mieux de gonfler mon salaire? Déjà fait. Abondamment. Désormais, vous me coûtez la bagatelle de $5,000 par semaine. L'auriez-vous oublié? Et alors? Avant, j'étais une esclave. Mais l'esclavage a été aboli dans votre beau pays en 1865 par Lincoln. L'auriez-vous oublié? Eddie, faites-moi plaisir. Contactez cette personne. Voici sa carte. George Anteil. Qui est-ce, un chirurgien? Un musicien. Un musicien? Quel rapport avec mes seins? La question paraît légitime, mais George Anteil, homme orchestre, a plusieurs cordes à son arc. Sa première passion reste la musique, tendance expérimentale. Ancien élève d'un disciple de Liszt, il aime explorer le pianola, ou piano mécanique, dont les touches s'activent seules sans intervention humaine. En 1926, il crée son fameux ballet mécanique, dans lequel 16 pianolas et 4 tambours côtoient, entre autres, 3 hélices d'avion et 7 cloches électriques. jugée admirable en France, cacophonique aux États-Unis, cette œuvre voue à son auteur d'être classée, inclassable, et d'embrasser une carrière chaotique. Mais George est aussi un spécialiste d'endocrinologie. Il publie dans les journaux américains des articles remarqués sur les hormones et leur influence sur le comportement. Fin août 1940, lorsqu'il rencontre Eddie Lamar dans un restaurant de Hollywood, il vit une période faste, partageant son temps entre l'écriture d'une musique de film et des conférences qu'il donne à l'université de Stanford. « Eh bien, monsieur Anteil, vous ne parlez plus, vous ne mangez rien. À vrai dire, vous ressemblez au poisson qui gît dans votre assiette. Les yeux ronds, la bouche ouverte. Qu'y a-t-il ? » ?»« Désolé. Face à vous, je... C'est difficile de... Mademoiselle Lamar, vous êtes si... Vous êtes tellement... » Belle, je sais. Pour moi aussi, c'est difficile. Venez sur la banquette, nous dînerons côte à côte. Vous aurez une vue splendide sur l'aquarium dans lequel barbote les homards, dans l'attente du jugement dernier. Sans façon, merci. Ne vous inquiétez pas, je vais baisser les yeux et me concentrer sur mon repas. Comme il vous plaira, monsieur Anteil. George. Enchanté, Eddie. À notre rencontre. Alors, George, en tant qu'expert, que comptez-vous faire avec mes seins ? Rien, Eddie, je... Louis B. Meyer les juge trop petits. Il a tort, ils sont parfaits. Comment le savez-vous ? Je n'ai pas quitté mon châle de la soirée. Oui, mais je... Je les ai vus dans... Extase. Encore ? Qui sur cette terre n'a pas vu ce maudit film ? Dire que mon premier mari s'est acharné à retirer toutes les copies de la vente ? Je crains que son initiative n'ait provoqué l'effet inverse. Hélas, même ce chien de Mussolini a son exemplaire. Mussolini ? Vous le connaissez ? Il est en affaire avec mon ex-mari, un marchand d'armes autrichien, un tyran. Par bonheur, j'ai réussi à m'enfuir. Et me voici à Hollywood, tyrannisé par mon producteur. Que faire ? Fuir à nouveau ? Surtout pas, je vais établir votre profil hormonal pour préparer une pommade adaptée à votre poitrine. Elle va gagner du volume, les résultats sont étonnants. Moins étonnant que vous, j'en suis sûr. Un musicien féru d'hormones, curieux mélange. Mais pourquoi donc ? En dehors du cinéma, vous n'avez pas une autre passion ? Une autre passion ? Bien sûr que si. Mais je ne m'en ouvre pas au premier venu. Aucune envie d'être moquée, méprisée. Ce qui me plaît par-dessus tout, davantage que jouer la comédie et séduire les hommes, c'est inventer. Des objets concrets, utiles, malins, capables d'alléger le quotidien ou de changer le monde, il faut viser haut. Ce goût, je le tiens de mon père, Émile. Un directeur de banque, rien de très créatif, mais il passait son temps à m'expliquer le fonctionnement de chaque chose. Je me souviens du jour où nous avons visité l'usine Daimler à Vienne. Je suis devenue incollable sur les moteurs Porsche, les quatre cylindres et les soupapes latérales. Il me manque. Il est parti trop tôt. Au moins, il ignore ce qu'Hitler fait subir à notre peuple et à l'Europe. Et bientôt à l'Amérique, qui sait. Il doit exister un moyen de l'arrêter. Je peux le trouver. Je réfléchis à des pistes, mais... Il me manque l'idée. Un événement tragique va accélérer les réflexions d'Eddie Lamar. Le naufrage du cargo britannique City of Benares. Septembre 1940. Le cargo quitte Liverpool au sein d'un convoi de 19 bateaux. Il compte à son bord 418 passagers et membres d'équipage, dont 90 enfants qui doivent être évacués vers le Canada. Le 17 septembre, après le départ de l'escorte de la Royal Navy, le City of Benares est torpillé par un sous-marin allemand. Il coule en 30 minutes dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Le bilan est terrible, 248 morts. Seuls 13 enfants survivent. Ce drame bouleverse profondément la star. Il se produit peu avant sa deuxième rencontre avec George Anteil. Elle le reçoit dans sa maison de Hollywood. Cher Eddie, voici la pommade miracle. À appliquer deux fois par jour, sans modération. Je verrai ça plus tard. Diable. Monsieur Meyer aurait-il changé de lubie ? Je ne sais pas, je m'en fiche. J'ai autre chose à penser qu'à ses futilités. Excusez-moi. J'enrage de... D'être ici, à l'abri, à m'occuper de ma poitrine, tandis que, quelque part, en mer, des enfants innocents... George, j'ai honte. Ces monstres qui les ont sacrifiés, ils parlent allemand, ma langue maternelle. Je comprends. Il y a 2 mois, j'ai perdu Henry, mon jeune frère. Il faisait partie de la délégation américaine en Finlande. Son avion a été abattu dans la mer Baltique par les Russes. Et depuis, je ne dors plus. Oh, je suis désolée, j'ignorais. Parfois, j'ai l'impression d'être la seule ici à ressentir ces horreurs. Cette guerre qui menace l'Amérique, à laquelle personne ne veut croire. Moi, j'y crois, malheureusement. J'écris un livre sur le sujet. Vraiment ? George, nous devons faire quelque chose. Suivez-moi. Eddie Lamar, actrice et inventrice ? Si je m'attendais. Vous avez un véritable atelier de professionnel ? Normal, j'y passe mes soirées, parfois mes nuits. Et tous ces livres savants, vous les avez lus ? La plupart. Je les tiens de mon père. Bravo. Cette bonbonne jaune, qu'est-ce que c'est ? Un distributeur automatique de moutarde. Et ça ? Un appareil pour aider les handicapés à sortir du bain. Un prototype. Ingénieux ? Je m'y remettrai quand la guerre sera finie. Je voudrais vous montrer mon projet actuel. J'ai fait quelques dessins, venez voir. Voilà. Je cherche comment couler les sous-marins allemands. Je pense à une nouvelle torpille contrôlée à distance grâce à la radio. Je ne plaisante pas. Désolé, continuez. Je vous l'ai dit, mon premier mari, Friedrich Mandel, est le roi des armes en Autriche. Pendant 4 ans, il m'a exhibé comme un trophée partout en Europe dans ses dîners d'affaires. Je me suis beaucoup ennuyée, mais j'ai beaucoup appris. Notamment sur les torpilles qui ratent leur cible. Il faut inventer des armes plus intelligentes. Précises, faciles à guider. Je suis sûre que la radio pourrait... Eddie, le défaut de la radio, c'est son indiscrétion. Brouiller un signal est un jeu d'enfant. Je sais, mais il doit y avoir une solution. Il faut chercher, travailler. George, voulez-vous m'aider ? Aucun homme ne sait dire non à Eddie Lamar. George Antey, pas plus qu'un autre. C'est ainsi que débute leur étonnante collaboration. Le jour, la star tourne pour la MGM. Aux côtés de Judy Garland et Lana Turner, elle incarne une danseuse, dévêtue et potiche, dans le film « La danseuse des Ziegfeld Follies ». Le soir, elle accueille le musicien, chez elle, pour d'interminables séances de travail. Fraîchement séparée de son deuxième mari, un scénariste américain, elle est libre comme l'air. George, en revanche, est marié depuis 15 ans, à Elisabeth, alias Boski, une Hongroise de 37 ans. Boski a voyagé tout le mois de septembre 1940 aux États-Unis avec leur fils. Lorsqu'elle rentre début octobre, elle découvre avec méfiance la relation entre son mari et Eddie. Elle exige que l'actrice vienne exercer ses talents d'inventrice chez eux. Boski, parle-moi. Tu as ta mine des mauvais jours. Tu t'es fait beau, je trouve ça louche. Je ne vais pas l'accueillir en pyjama. Tu n'es pas obligé de porter ton costume de mariage. Mais je n'en ai pas d'autre. Amour, ce n'est pas ce que tu crois, Eddie Lamar est une amie. Ah oui. En tout cas, elle a un succès fou. Time Magazine l'a consacrée comme la star préférée des soldats américains. La plus glamour, la plus sexy, loin devant Anne Sheridan. Oh. Je vais ouvrir. N'en profite pas pour t'asperger d'eau de toilette. Bonsoir. Oh, quelle chaleur. Bienvenue. Eh bien, ne restez pas plantée là, prenez mon manteau. Un verre d'eau, vite. Avec un zeste de citron, je suis au bord de la déshydratation. Et prévenez monsieur et madame Antey de mon arrivée. Inutile. Je me présente, Boski Antey, la femme de George. Oh, mon Dieu, je suis confuse. Je vous ai prise pour... Pour la bonne, aucun doute. Navrée, nous n'en avons pas, mais nous ne laissons jamais nos invités mourir de soif. Je reviens. Pourquoi tu ne la fais pas entrer ? Oh ! Tu es folle ! Ça soulage. Dis-moi, mon chéri, c'est normal que ton ami porte une robe du soir au décolleté vertigineux pour réfléchir à des torpilles ? Mais je ne sais pas, c'est peut-être son costume de tournage. Bien sûr ! Elle n'a rien d'autre à se mettre, la pauvre, comme toi. Boski, ça suffit. Parfaitement, ça suffit. Il y a une bombe dans l'entrée et elle menace de faire exploser mon couple. Calme-toi, elle va t'entendre. Tant mieux ! Chut ! Elle a beau être la plus belle femme du monde, voire de l'univers, elle ne me volera pas mon mari. La femme de George a peur de moi. Elle ferait mieux d'avoir peur des nazis. Son mari n'est pas mon genre. Encore que, j'aime les hommes intelligents, plus âgés. En dessous de 35 ans, ils sont novices. Je n'ai pas la patience de jouer au professeur. Et puis, je les veux distingués, soignés. J'ai horreur de ceux qui oublient de se raser ou qui enfouissent leurs mains dans les poches. George, potentiellement. Non, nous avons à faire des choses plus importantes. Par exemple, résoudre la question des interférences radio. À ce propos, quand nous travaillons chez lui, sa femme interfère toutes les deux minutes. Elle apporte le thé, revient avec le sucre, le lait. Les torpilles auraient beaucoup à apprendre de Madame Anteil. Elle frappe sans prévenir et ne rate jamais sa cible. Pour échapper à ses attaques, nous nous réfugions chez moi. Problème, George est tombé amoureux de mon piano. George, la récréation est terminée, retourne-nous à l'atelier. Venez jouer avec moi. Juste 5 minutes, promis. Oh, enfant gâté. Faites-moi une place. On improvise? Je commence. Vous enchaînez. Et bah, ainsi de suite. Déjà ? On avait dit 5 minutes. Je me demande. Regardez, j'improvise. Vous répondez ? Je continue. J'improvise à nouveau. Vous répondez. On se parle et on change tout le temps. George, j'ai trouvé. Quoi donc? Il faut synchroniser l'émetteur et le récepteur radio pour qu'ils changent de fréquence. Au hasard, en même temps et souvent. Alors, il est impossible d'intercepter le signal. Leur communication reste secrète. Bon sang, mais oui, Eddie, excellent. Alors là, chapeau. Comparé aux actrices d'Hollywood, sur le plan cérébral, vous êtes... une géante. George prend Eddie de plus en plus au sérieux. Leur collaboration s'intensifie au Grand Dame de Bosky Anteil. Pendant l'hiver 1940, tous deux s'emploient à mettre en pratique l'idée de la star à laquelle elle a entre-temps donné un nom, le saut de fréquence. Leur but ? Faire breveter leur invention, puis la proposer au gouvernement américain. La principale difficulté consiste à trouver un mécanisme pour opérer le changement simultané de fréquence entre l'émetteur du signal, par exemple un avion ou un bateau, et son récepteur, à savoir la torpille. C'est là qu'entre en scène l'expérience musicale de George Anteil. Eddie, enfin vous voilà. Que se passe-t-il? Je suis venue dès que j'ai reçu... Vite, votre... dansons. Profitons-en. Bosky est chez le coeur. Heaven. I'm in heaven. Aïe, mon pied. Lâchez-moi. D'accord, d'accord. Mais dans 5 minutes, vous allez m'embrasser. Ah oui? Pourquoi? Les sauts de fréquence. Je sais comment les synchroniser. Je vais vous montrer. Tout est là. C'est simple. J'utilise le principe du piano mécanique. Dans ce piano, il y a un rouleau perforé, n'est-ce pas? Oui, il indique les notes à jouer. Eh bien, imaginez deux rouleaux. Un pour l'émetteur du signal, l'autre pour la torpille. Regardez mon schéma. Les trous dans les rubans permettent de choisir non pas des notes, mais des fréquences. Et de synchroniser leurs sauts. Les rouleaux vont tourner ensemble, vous êtes sûr? Certain. Au Carnegie Hall, pour présenter mon ballet mécanique, j'ai fait jouer en même temps 4 pianolas, donc 2 rouleaux. C'est une plaisanterie. Grâce aux perforations, vous créez une sorte de code? Exact. avec au maximum 88 fréquences et un potentiel de 100 sauts par minute. Aucun risque de brouillage. 88 fréquences, comme le nombre de touches sur un piano. Clin d'œil de professionnel. Un mélange d'art et de science. George, vous êtes un génie. Disons qu'à nous deux, nous formons un beau couple. Mais comment faire pour que les deux rouleaux démarrent au même moment? Je l'ignore, mais à mon avis, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, pas vraiment. Mais le duo d'inventeurs trouve bientôt la solution, sous la forme d'un pignon qui bloque les rouleaux à l'arrêt, puis les libère en même temps lorsque la torpille est tirée. Début 1941, ils envoient leur projet au Conseil national des inventeurs. Celui-ci manifeste des signes d'intérêt et les met en contact avec un ingénieur pour peaufiner les détails pratiques. Le 10 juin 1941, Eddie et George déposent le brevet d'un système de communication secrète à leurs deux noms. Reste à attendre le verdict du Conseil national des inventeurs. En parallèle, la guerre se rapproche des États-Unis. À l'automne, plusieurs destroyers américains sont attaqués par les Allemands dans l'Atlantique Nord. Roosevelt obtient du Congrès la répudiation de la loi sur la neutralité, mais il ne s'engage toujours pas officiellement dans le conflit. L'Amérique se barricade. Elle refuse de voir le diable à sa porte. Et moi, j'enrage d'impuissance à espérer des nouvelles de mon brevet. Je n'ai plus envie de tourner. Comparé à la réalité, la fiction me paraît fade et dérisoire. Je viens de refuser un scénario, Casablanca. Une histoire de femme tiraillée entre deux hommes dont la fin n'est même pas écrite. Encore un mauvais film. Et puis, Humphrey Bogart manque de charme, trop petit. Je m'ennuie. Je ne songe même plus à me remarier. En ce moment, je suis fidèle à mon profil hormonal, du moins tel que George l'a défini. Je collectionne les aventures puisque, selon Monsieur Anteil, je suis très portée sur les hommes et le sexe, limite nymphomane. Je pratique le saut de fréquence d'un amant à un autre avec une virtuosité certaine. Mais tout cela ne fait pas une vie. Eddie, regardez-moi. Que pensez-vous de ma brasse coulée? Je pense, mon cher George, que vous avez des progrès à faire pour concurrencer Johnny Westmuller. Vraiment? Oh. Pas mal. Pour la natation, je vous laisse ma piscine. Je songe à quitter Hollywood et la MGM. Sérieusement? Pour aller où? À Washington, par exemple. Rejoins le Conseil national des inventeurs. Oh, ne riez pas. George, tu as lu le New York Times? Ici, je ne sers à rien à part énerver votre femme. Mon chéri, désolé de te déranger en plein travail. Oh, amour, j'ai le droit de me détendre 5 minutes. Tiens, sèche-toi les mains. Et lis cet article. Très intéressant. Boski, vous voulez piquer une tête? L'eau est délicieuse. Je ne sais pas nager. Quelle importance. Si vous coulez, je vous sauve. Vous êtes sûr? Écoutez ça. Eddie Lamar, la célèbre actrice, se révèle dans un nouveau rôle, celui d'inventrice. Elle a conçu un système classé top secret par la Défense nationale. Je ne suis même pas citée. Mm-hmm. Merci, Eddie. Je croyais que nous étions partenaires. Montrez. George, n'y suis pour rien. J'ai signé exprès notre brevet sous le nom de Eddie Kistler pour ne pas influencer les lecteurs. C'est sûrement le conseil des inventeurs, il a ébruité l'affaire. Signe qu'il nous prend au sérieux. Tant mieux. Eddie Lamar a deviné juste. La fuite partielle de leur invention dans le New York Times a des effets positifs. Quelques semaines plus tard, en novembre 1941, George et elle sont reçus par un général de la marine américaine. Malgré la sidération que lui cause la présence de la star, le militaire écoute, des heures durant, les explications des deux inventeurs sur leur torpille radioguidée. Général, en résumé, la torpille Lamar-Anteil est unique. Elle résiste au brouillage et atteint sa cible à tous les coups, ou presque. Le Conseil National des Inventeurs est prêt à la construire et à l'expérimenter à Détroit. Ensuite, elle est à vous. Tout de même, les mécanismes de codage que vous proposez me paraissent très volumineux. Au contraire, ils sont minuscules. Ils pourraient tenir dans une montre. Mais vous avez parlé d'un piano mécanique. C'est seulement son principe que nous reproduisons. Les rouleaux perforés. Il ne s'agit pas de faire entrer un piano dans une torpille. Ah oui, d'accord. Bien, merci. Le gouvernement va étudier votre projet. D'ici là, mademoiselle Lamarre, continuez à nous faire rêver. Aucun doute, vous êtes la plus belle femme du monde. Dans la vie, j'ai deux soucis. Ma beauté et mon intelligence. Je suis une femme avec un corps de femme et un esprit d'homme. Et les hommes n'aiment pas ça. Mon cerveau les effraie. Ils préfèrent s'extasier sur mon côté glamour. N'importe quelle fille peut avoir l'air glamour. Il suffit de rester immobile et de prendre un air idiot. Ma beauté est comme un masque. Impossible de l'enlever. Je doute qu'il y ait un jour un seul être humain pour se demander s'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière elle. Malgré tout, je m'en sers tant qu'elle est là. Je n'ai pas le choix. Une femme doit, jusqu'à son dernier soupir, soigner son apparence. Son esprit, lui, a tout loisir de s'étioler. La réponse de la marine se fait attendre. Eddie Lamarre reprend le chemin des studios de la MGM et de ses rôles exotiques. Elle s'apprête à tourner White Cargo de Richard Thorpe. Le visage et le corps passés au brou de noix, elle joue une splendide métisse qui ensorcelle une communauté d'anglais en Afrique. Un rôle mineur pour un film à succès. Entre-temps, les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon le 8 décembre 1941, au lendemain de Pearl Harbor. Très vite, l'armée américaine se rend compte que ces torpilles ont de gros défauts. Elles explosent tard, voire pas du tout, se plantant comme des flèches dans les navires japonais. Au lieu d'en profiter pour s'intéresser à l'invention d'Eddie Lamarre et de George Antheil, la marine s'acharne à résoudre le problème. Courant février 1942, les deux partenaires reçoivent enfin un courrier. Quelle bande d'amateurs! Ils ne sont pas prêts de la gagner, cette guerre. George, lâchez ce vase, j'y tiens. Et donnez-moi cette lettre. Quelle lettre? Il y a quatre lignes. L'armée des États-Unis a examiné votre torpille pendant un moment. En effet, 2 mois et demi. Elle la juge bien conçue, mais trop lourde. Elle est au regret de la refuser. Tout n'est pas perdu. Si la marine la juge trop lourde, on peut l'alléger. Mais non, c'est cette histoire du piano mécanique, je parie. Cet imbécile n'a rien compris. Je suis désolée. Oh, j'ai l'habitude. Le génie est méconnu. Souvenez-vous, seuls les Français ont aimé mon ballet mécanique. Faux. Moi aussi, je l'aime. Merci, Eddie. Mais je suis fatiguée d'être en avance sur mon époque. Je ne suis pas fatiguée. Je suis frustrée de voir notre invention dédaignée. Mais je vais me battre encore pour l'Amérique, contre ma culpabilité. Je m'en veux d'avoir quitté l'Autriche. J'aurais pu tenter quelque chose. Mettre mon marchand d'armes de mari hors d'état de nuire. Non, j'ai préféré fuir, par lâcheté, par peur. Fuir avec mon secret. Je ne le dirai à personne, pas même à mes enfants si un jour j'en ai. Je suis juive. Je sais d'où je viens. J'imagine à quoi j'ai échappé. Par respect pour les autres qui n'ont pas eu ma chance, je dois continuer. À la fin de sa lettre, le général de la marine me suggère de vendre des obligations de guerre pour me rendre utile. Prouver que Eddie Lamarre fait vendre, sait vendre. Adieu l'inventrice, bonjour la bienfaitrice. Pourquoi pas ? Durant l'été 1942, Eddie Lamarre se lance dans une grande tournée aux États-Unis. Dans chaque ville, elle rassemble des milliers de personnes, provoque des embouteillages et des émeutes. Au total, elle vend pour 25 millions de dollars d'obligations, soit 343 millions de dollars actuels. De son côté, George s'installe en famille à Manhattan Beach, au bord de l'océan Pacifique, pour se consacrer à la musique. Le 11 août 1942, nouveau rebondissement. Le Conseil national des inventeurs valide et enregistre leur brevet, plus d'un an après l'avoir reçu. George, nous avons réussi. Notre bébé est enfin reconnu. Brevet numéro 2, 292, 387. Merveilleux. On dirait un matricule de prisonnier. Oh, quel rabat-joie. C'est un message d'espoir. La preuve que nous n'avons pas travaillé en vain. Non, la preuve que le Conseil national des inventeurs est moins idiot que la marine américaine, point. Et dommage pour nous, c'est elle qui décide. Voilà pourquoi notre invention va moisir au fond d'un placard, avec ou sans numéro. Alors quoi? On laisse l'Allemagne et le Japon nous écraser? On capitule pour de bon? Eddie, du calme. Regardez l'océan. Fermez les yeux. Vous sentez cette douceur? Vous entendez les sons? Les sons de la vie? Je me suis remis à composer. Je viens d'achever ma troisième symphonie. C'est formidable, George! Ouais. Bosky prétend que je traverse une crise aiguë de renaissance créative. Mais elle a raison. Je ne veux plus perdre mon temps avec des musiques de films ou avec des... Ou avec des torpilles. Je vois. Et la guerre? C'est terrible, mais... Je m'y habitue. Pas vous? Je recommence à inventer. Je réfléchis à un nouveau modèle de feu de circulation et à un collier fluorescent pour les chiens. Tout est bon pour oublier la guerre qui n'en finit pas, l'amour aussi, bien sûr. Bette Davis m'a présenté un acteur anglais, John Loder. Il est beau, vieux, enfin, il a 45 ans. Mon troisième mari? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Avant-hier, j'ai aperçu mes premières rides au coin des yeux. Signe que j'ai beaucoup ri, ou trop pleuré. Je crains de ne jamais trouver l'invention qui efface le temps. Heureusement, mon producteur veille. Il m'a donné la carte d'un chirurgien esthétique. Cela me rappelle ma rencontre avec George. Cher George, il avait raison. Aucune nouvelle de la marine, silence radio. Un jour, l'Amérique comprendra. La torpille Lamar Anteil entrera dans la légende. Et avec elle, ce fabuleux ballet mécanique auquel nous devons tant. Eddie Lamar, la plus belle femme du monde, avait aussi un cerveau, de Corinne Clompe, avec Marion Malenfant, Eddie Lamar, Fabrice Pierre, Georges Anteil, Valérie Moinet, Elisabeth Anteil, Hervé Furic, le général de la marine américaine, et Vincent Nemeth, Louis B. Meyer. Bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Valérie Lavalard, Antoine Vieussat et Louis Bardinet, assistant à la réalisation Félix Levacher, réalisation Pascal Deux. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Eddie Lamar avec mon invité Bertrand Tavernier. Lips meet teeth and tongue. My heart skips eight beats at once. If we were meant to be, we would have been by now. See what you wanna see, all I see is him right now. Him right now. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out. Thanks. Your love feels so fake. My demands aren't high to make. If I could get to sleep, I would have slept by now. Your lies will never keep. I think you need to blow them out. Blow them out. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me. De Billie Eilish et Vince Staples sur France Inter. Autant n'importe l'histoire, l'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Gilles Gaillard. Bertrand Taverny, on vient donc d'écouter cette fiction. Elle vous a inspiré ? J'ai trouvé très réussi. Je trouve très très bien de la part de Corinne Clon de s'être intéressée à un sujet comme ça. Et elle a adopté un choix, un ton rapide, précis, dans l'ensemble vraiment très très juste. Oui, c'est juste, une histoire oui. amusante, mais même si la vie d'Élie Lamarre n'a pas toujours été amusante. Non, elle n'est pas seulement amusante, elle révèle beaucoup de choses. C'est très intéressant de regarder à quel point l'histoire peut se révéler très actuelle. Le traitement de ces femmes et le traitement d'Élie Lamarre au début, les metteurs en scène se plaignaient de son inexpressivité, donc on lui pinçait les fesses, on la giflait, on la rudoyait. On ne se permettait pas cela avec Barbara Stanwyck. Oui, ou avec Greta Garbo, peut-être oui, non plus. Oui, ni avec Greta Garbo, mais pas avec d'autres vedettes comme Barbara Stanwyck ou comme Claudette Colbert. Et pourquoi elle, alors ? Parce qu'il y avait toujours un mélange d'attirance et de passivité. De passivité et de... Et un côté, comme ça, tentatrice. Parce que c'était l'actrice d'extase aussi. C'est... Oui, parce que aussi c'était l'actrice d'extase. Elle avait cette image parce érotique. On l'avait appelée, c'était Max Reinhardt, hein, le metteur en scène de théâtre, qui l'avait surnommée la plus belle femme du monde. Et qu'après ça, on n'osait plus rien dire. George Sanders, un acteur qui prend sa défense, écrit dans ses mémoires, ce qui est vraiment amusant, que quand elle parlait, elle avait une bouche qui était tellement belle, elle avait des traits qui étaient tellement beaux, que tout le monde était fasciné, la regardait et qu'on ne l'écoutait pas. Donc elle était incomprise la plupart du temps. On comprend qu'elle aimait bien se retrouver dans son petit atelier et faire ses inventions oui, tranquille chez elle. Oui, mais en même temps, beaucoup de metteurs en scène se plaignent de son inexpressivité, de la très grande difficulté qu'on a à obtenir certaines émotions qu'elle ne sait pas traduire, qu'elle ne peut pas traduire. Et en même temps, elle est d'une beauté et elle convient très bien à certains rôles, notamment à un de ses films favoris, qui était « Expérimente Périlous, angoisse » de Jacques Tourneur. Mick ! Oh, Mick, isn't it lovely? I don't think there's anything in the world more beautiful than a field of daisies. Oh, no. We are much too easily pleased. I think I will have to really show you this world. Will you? When? Much sooner than you think. But right now we have need of the comforts. Oh, good. Let's sit here. What do we confer about? C'est donc un extrait d'Angoisse, Experiment oui. Perilous, le film de Jacques Tourneur, donc ce cinéaste français qui était parti aux États-Unis. Oui, donc et qui la traitait, je pense, très bien. Tourneur était quelqu'un qui ne devait pas se comporter de manière machiste avec les femmes. Et les actrices chez lui sont très souvent remarquables. Jane Greer, Suzanne Hayward dans les films, sont formidables. Simon dans La Féline. Il sait filmer les femmes, il aime les femmes. Et il ne se comporte pas avec la rudesse, le manque de délicatesse de certains metteurs en scène américains. Elle n'a pas eu la carrière. On a vu qu'Eddie Lamarre n'a pas eu certainement la carrière qu'elle aurait pu avoir au cinéma. Étonnante aussi, évidemment, cette histoire d'invention. Oui. Eddie Lamarre peut-être était plus une inventrice qu'une actrice dans sa vie. Peut-être que c'était là. Est-ce qu'elle a eu une mauvaise orientation, comme on dirait aujourd'hui, pour les écoliers? Je pense quand même qu'il ne faut pas sous-estimer sa carrière, même si je crois qu'elle est aussi responsable pour les échecs qu'elle a endurés avec des choix souvent qui étaient pas bons. Mais ce qu'on a découvert, et cette découverte est récente. Mais oui. C'est une découverte qui vient dans les années 80-90. On s'aperçoit alors que c'était une inventrice qui a contribué à une invention très, très, très importante. Et malheureusement, la marine américaine était incroyablement conservatrice, rigide, conservatrice, rétrograde. Pas oublier qu'aucun noir n'était admis à un poste de responsabilité, même pendant la guerre. Mais c'est certain que cette invention était très en avance sur l'époque. Et il y a deux choses aussi qui ont joué contre elle. Il y a le fait qu'elle était autrichienne, donc la marine ne voulait pas avoir l'air d'emprunter une invention à quelqu'un qui est une étrangère. Il y a le fait qu'elle était une actrice, qui donc la discréditait. Et tout ça a joué contre elle. Et qu'elle était belle. Et puis Georges Antheil, qui était un vulgaire musicien aussi. Oui, Antheil était un musicien quand même aussi, un peu considéré comme un musicien d'avant-garde. Mm-hmm. Tout ça a joué. Mais elle avait inventé d'autres brevets. Par exemple, des obus tirés par la DCA qui, s'ils manquaient leur cible, quand ils passaient à côté de leur cible, explosaient. Et ça n'a pas plus été retenu ni par l'armée, ni par... D'ailleurs, elle ne touchera pas un sou pour ses inventions, Hedy Lamarr, et elle finira sa vie recluse chez elle, oui. Refusant de voir personne. Oui, plus ou moins recluse, pas pauvre, contrairement à ce qui est dit, parce qu'elle gagnera deux procès, notamment contre une firme de technologie qui a utilisé son nom. Elle gagnera des sommes extrêmement importantes, 5 millions de dollars. Et donc, elle vivra de manière tout à fait luxueuse, mais elle perdra la vue, elle la retrouvera quand on lui fera une opération de la cataracte, elle la reperdra de nouveau, et paraît-il, quand on rentrait chez elle, c'était d'une saleté répugnante, parce qu'elle n'admettait pas de femme de ménage. Donc, ouais, elle vivait dans une fin un peu triste. C'est une fin vraiment triste pour quelqu'un qui a été une icône, on peut dire, une icône d'Hollywood. Vous ferez un film sur elle, Bertrand Tavernier ? Non, ça ne m'intéresse pas de faire des films sur des personnages américains. Non, c'est... Ah bon ? Et puis, à plus, pour trouver une actrice qui ait cette beauté et qui ait son accent, parce que même à la fin de sa vie, on la voit en train de discuter dans le Merv Griffin Show avec Woody Allen, et elle a pas perdu son accent autrichien. Et donc, il faudrait trouver quelqu'un qui imite son accent, c'est un enfer, ça. Oui. Merci beaucoup, Bertrand Tavernier. À lire sur Hedy Lamarr, Hollywood, la cité des femmes, histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood 1930-1955, d'Antoine Cyr, une coédition Institut Lumière, Actes Sud. Et à voir l'excellent documentaire Hedy Lamarr, From Extase to Wi-Fi, produit par Susan Sarandon, sorti en salle le 6 juin. Autant n'emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, attention, frissons, nous partirons dans les bas-fonds de Londres au 19e siècle sur les traces de Jack l'Éventreur, le serial killer avant la lettre qui sema la terreur parmi les prostituées du East End et le trouble dans la prude société victorienne. Jack l'Éventreur, la contre-enquête, épisode 1, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, bien sûr, vous avez votre rendez-vous avec Soro Solo dans L'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.